Bon, il faut quand même savoir ce qui se passe. Nous vivons de la fiction. Moi, c'est ça que j'appelle la réalité. Regardez, là, c'est quoi, là. Bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Faut pas travailler, faut partir en vacances, faut pas travailler. Tant qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps, c'est bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? On travaille plus. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. On dit faut parler de tout, peut-être, mais il faut dire aussi ce qui va et ce qui va pas. Et puis Internet, je crois que c'est extrêmement dangereux. C'est ça la vérité.